Selon Yonhap de Corée du Sud, en date du 12 courant, la 3e division de la marine américaine à Okinawa, Japon, s'est déployée en Corée du Sud avec le blindé obus multiple de nouveau type et livre les exercices mobiles avec l'armée sud-coréenne pour parfaire le système d'application apte à la topographie de la péninsule coréenne à Pazu et ailleurs de la province du Gyeonggi.